monotonie. Je te vois, je te sais, je t'évite, je te fuis. Oh toi, petit brin de folie, tu m'animes, m'exaltes, m'éloignes de l'ennui, car je me noie dans une goutte d'eau. Si mes jours se ressemblent, que l'envie me tourne le dos, je ne crois à la magie d'un numéro que lorsque je le vois pour la première fois. Alors je me transforme. Monotonie, avec toi on récite, on redit, on réécrit. Oh toi, petit brin de folie, avec toi on renaît, on revit, on chérit, car je me noie dans une goutte d'eau. Si mes jours se ressemblent, que l'envie me tourne le dos, je ne crois à la magie d'un numéro que lorsque je le vois pour la première fois. Alors je me transforme. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie 93.5. Bonjour, il est 6h et on a déjà le soleil, pas qui brille mais qui éclaire. Il fait quasiment jour dès maintenant. L'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonne fête à Alain et à Omer. Et c'est Delphine qui vous présente les infos. Bonjour. Bonjour JB, bonjour tout le monde. L'enquête sur la disparition de Sébastien Arias et Julien Pacta est relancée après la découverte d'une vidéo qui montre les deux hommes dérivés sur ce qui semble être une glacière. Alors qu'ils se déplaçaient sur une annexe baie de l'orphelinat, un couple s'est fait percuter par un semi-rigide. Depuis, la compagne de Yannick est hospitalisée, gravement blessée. L'homme a décidé de porter plainte. Vous pouvez entendre son témoignage aujourd'hui dans les nouvelles calédoniennes. Et puis le tribunal correctionnel qui condamne deux voleurs de bétail à 4 mois de prison et 950 000 francs d'amende. Face à la délinquance, la mairie de Païta monte au créneau et met en place un site internet et un numéro rouge pour récolter des informations. La vie sous-marine est à l'honneur au REC cette semaine. Les projections de documentaires et des rediffusions du Festival mondial de l'image sous-marine de Marseille s'enchaînent jusqu'à dimanche 11 septembre, date de clôture du festival. Et puis c'était l'heure du grand oral pour François Hollande. Le chef de l'État a prononcé un discours très attendu lors du colloque La démocratie face au terrorisme. C'était salle Wagram à Paris. Environ 110 personnes sont bloquées dans des télécabines au-dessus des glaciers du Mont Blanc à plus de 3000 mètres d'altitude. Une opération d'héliportage avec la la participation de 3 hélicoptères suisses, français et italiens est en cours, mais cela risque de durer plusieurs heures. Enfin, au Gabon, Jean Ping saisit la Cour constitutionnelle. Il conteste les résultats de l'élection présidentielle du 27 août remportée par le président sortant Ali Bongo. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. Une date dans l'histoire, on va donc jouer aux devinettes ce matin. Quel événement, quelle affaire a permis de regrouper 36 cartons de documents? C'était, allez, je te donne une date, le 9 septembre 1998. Une affaire. Alors on cherche où ça se passe déjà, par exemple. En France? Aux États-Unis. Ah. Une affaire incroyable. 36 cartons. Une affaire incroyable. 98. Ouais. Non, je sais pas. Pour une petite gâterie. Ah. Une petite pipi au lit. Ah, et hop. Ah. Tu veux dire Monica? Monica Lewinsky, c'est ouais. Incroyable. On en parle tout à l'heure. 36 cartons de documents, rien que pour ça. Donc c'est une histoire en dessous de la ceinture ce matin. Je pensais que c'était plus haut, tu vois. Ah non. On baisse. On est vendredi, on se fait plaisir. Énergie 6h04. This feeling inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. I can't stop the feeling. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good.

laughter in the driveway. I'm not afraid to die. matin de la semaine, rendez-vous dans le Morning d'Énergie. Avec Matériau Center, réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. Quelle est la journée mondiale que l'on célèbre aujourd'hui ? Eh bien, depuis 1999, le 9 septembre, on informe dans le monde entier des conséquences néfastes de l'alcool consommé pendant la grossesse et l'allaitement de son corollaire, le syndrome d'alcoolisation fœtale. Mais oui, c'est bien ça qu'il s'agit. L'alcool consommé par les femmes a la capacité de très bien passer au travers de la barrière placentaire et donc de toucher directement l'enfant à naître. Il agit notamment sur le système nerveux central du bébé. Il peut avoir des conséquences irréversibles sur son développement. Faut savoir qu'en France, il y a 1% des bébés qui naissent, soit environ 8000 bébés par an qui sont atteints. C'est incroyable. L'arrêt complet donc de la consommation d'alcool est très vivement recommandé dès le début de la grossesse et pendant toute sa durée. On estime en effet que le seuil au-dessous duquel il y aurait un risque zéro n'existe pas. Voilà enfin une bonne raison d'appliquer notre fameux principe de précaution. Énergie Nouméa 93.5. Hey la bande, avec Orangina, on peut gagner un voyage de ouf en Nouvelle-Zélande pour 4 personnes. Ouais, j'ai vu ça. Il y a du saut à l'élastique, canyoning, rafting, parapente. Et on fait comment pour jouer ? Tu vas juste sur www.orangina.nc. Bah on attend quoi pour s'inscrire ? Rien, je prends mon tel. www.orangina.nc, c'est parti. Orangina ! Pour le carrelage et la faïence, moi, c'est Courtois Revêt Sol. Revêtement sol et mur, carrelage, parquet, faïence et pierre. Courtois Revêt Sol, carrefour du golfe de Tina, du lundi au samedi, 43 33 11 et sur plan NC. Courtois Revêt Sol, le choix, la qualité, les prix. Samedi 17 septembre, dès 17h sur le circuit de Nakutacoin, participe à la course du 10e anniversaire du karting. Monte ton équipe de 4 à 8 pilotes et lâche-toi sur la piste pour 5 heures de course avec 1 heure d'essai avant. L'inscription est à 75 000 francs par équipe. La course d'endurance des 10 ans du karting, c'est samedi 17 septembre, dès 17h au circuit de Nakutacoin. À partir de 16 ans, plus d'infos au 76 39 40 ou sur www.karting.nc. La cuisine au restaurant Marmite et Tire-Bouchon, une affaire de passionnés. Régalez-vous d'une cuisine délicieusement originale. Des nouvelles recettes chaque semaine, le goût de l'innovation dans une carte pleine de saveurs, une formule de prix sans surprise, à tarif unique, au choix, à la carte. Le restaurant Marmite et Tire-Bouchon, une cuisine de caractère. Ouvert 7 jours sur 7, midi et soir, baie de l'Orphelinat. Réservation au 25 17 05. Les couleurs de débat. Samedi 17 et dimanche 18 septembre, c'est le Festival Culture et Nature de la Province Sud sur le domaine de Deva. Venez en famille à la découverte d'activités culturelles et de loisirs. Arts culinaires, découvertes artistiques, spectacles, artisanat d'art, mais aussi sport, loisirs, animation jeunesse. Beaucoup d'autres activités vous attendent aux couleurs de Deva avec les partenaires de Boiret Tourisme soutenus par la Province Sud. Les couleurs de Deva, c'est le week-end du 17 et 18 septembre. Entrée libre et gratuite. Renseignements et programmes sur le site province-sud.nc. T'es passionné de foot ou de futsal ? Ça y est, le complexe du soccer NC ouvre ses portes le 10 septembre en partenariat avec Énergie. À cette occasion, le soccer NC t'offre un voyage polyfoot pour deux personnes avec deux nuits au Tamanu Beach à la tribu de Mou. Deux petits déjeuners, le transfert aller-retour d'une valeur de 73 050 francs. Alors tente ta chance, envoie soccer au 41 et gagne un voyage polyfoot pour deux personnes. Tirage au sort du gagnant vendredi 9 septembre à 14h. Envoie soccer au 41. 360 euros le SMS. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. The Film, c'est The Bon Souvenir sur The Radio. Tous les jours à 14h10, Énergie fait un gros plan sur des films que vous avez peut-être loupés au cinéma et que vous souhaitez voir ou revoir. The Film. Avec Sud Motors, concessionnaire Triumph. Sud Motors, 200 rue Hollène, Porte de Fer, 28-28-56. Comédie, thriller, drame ou blockbuster, les bandes annonces sont un bon moyen d'avoir envie de voir un film. Retrouvez-les dans The Film avec Sud Motors et Triumph, votre shop moto, accessoires et équipements du motard aux Portes de Fer. J'ai jamais rien entendu d'aussi ébouriffant. Le bulletin météo d'énergie avec la nouvelle Subaru XV. Décidez de la voie à suivre, vivez votre aventure. On est parti pour 3 jours de beau temps globalement. Le point est présenté par Météo France. Ce matin, avec l'évacuation des nuages élevés, le temps est bien ensoleillé sur l'ouest. Ailleurs, les nuages remontent sur le sud-ouest et les loyautés et peuvent donner quelques ondées sur l'île des Pins et Ouvéa. Dans l'après-midi, des paquets nuageux abordent le sud et marées en donnant des averses. Ailleurs, le soleil garde l'avantage malgré quelques débordements nuageux près de la chaîne. Avec le vent, on a analysé de sud-est qui se renforce autour de 20 nœuds, rafales à 30 nœuds. Localement 20-25 nœuds, des rafales à 30-35 nœuds sur le nord-ouest. Les températures maximales sont stables. On reste dans la fourchette du sud au nord, comprise entre 24 et 28 degrés. Alors le temps du week-end, il est beau aussi. Un grand soleil samedi pour le carnaval, ce sera parfait. Hormis quelques paquets nuageux sur le sud le matin, la lisette de sud-est reste soutenue, entre 15 et 20 nœuds en général le matin, puis 20 nœuds et des rafales à 30 nœuds l'après-midi. Les températures maximales sont en légère baisse, les minimales varient peu. Et dimanche enfin, ce sera une journée ensoleillée dans l'ensemble. Sur le sud et au Loyauté, quelques nuages circulent toutefois et peuvent donner de toutes petites averses. Énergie, 6h25. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens. Avec la nouvelle Subaru XV, l'aventure commence sur www.subaru.nc. Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Get down on it. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it, come on in, get down on if it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it, get down on get it. Get down on it, get down on it. Come on in, get down on it. Baby, baby, get down on it. Get on it. What you gonna do? You gotta get on the groove if you want your body to move. Tell me, baby, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard people saying, get down on it, get down on it, get down on it, get down on it. When you're dancing, get down on it, get down on it, get down on it, get down on it. Sha-da-ba-da-ba-da-ba-do. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, baby, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall, get your back up off the wall. Listen, baby, you know it. Oh, when you're dancing, yeah, you show it. Oh, when you move, move, move, you know it. Oh, when you're dancing, yeah, you show it. As you come on in, get down on if it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it, get down on get it. Get down on it, get down on it. Come on in, get down on it. Baby, baby, get down on it. Get on it, get down on it. Sha-da-ba-da-ba-da-ba-da. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? Get your back up off the wall. Dance, come on. Get your back up off the wall. down on it. Get down on it. While you're dancing. Le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 04 04. C'est la Saint-Omer et on fête également les Alain. Il est 6h30. Toute l'actu de la matinée sur Energy avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour à tout le monde. Dans l'actualité locale, une vidéo des deux pêcheurs disparus a été retrouvée 13 jours après. L'enquête sur la disparition de Sébastien Arias et Julien Pacta est donc relancée après la découverte des derniers indices. Un haut de combinaison appartenant à Julien Pacta a été retrouvé mercredi dans la baie de Timbiens vers 17h. Une caméra GoPro accrochée à la combi a également été récupérée. La famille des deux pêcheurs a pu visionner les images. Il apparaît ainsi que le bateau aurait sombré samedi 27 août aux environs 13h. Selon la page Facebook Retrouvons Sébastien et Julien officiel, ils ont eu le temps de s'équiper de gilets de sauvetage, une veste rouge pour Sébastien et du haut d'une combi pour Julien. Une vidéo prise le lendemain vers 7h30 laisse supposer que les garçons dérivent ensemble sur un objet flottant bleu, leur glacière vraisemblablement. Alors un appel à l'aide a de nouveau été lancé par les compagnes des deux pêcheurs pour survoler la zone et ainsi qu'aux bateaux qui doivent sortir vers des îlots avoisinants. Et aujourd'hui leur recherche devrait même les mener jusqu'au Vanuatu. Dans un communiqué, le procureur Alexis Bourros confirme la découverte de la combinaison à moitié ensablée de la GoPro sur une plage de Timbiens par un habitant. L'exploitation de cette caméra permet de confirmer donc l'hypothèse d'un naufrage. Aucun élément du décor ne permet toutefois un positionnement du navire. L'enquête diligentée par la gendarmerie maritime, elle, se poursuit. Un couple fauché par un bateau alors qu'il se déplaçait sur une annexe baie de l'orphelinat. Un couple s'est fait percuter par un semi-rigide. Depuis, la compagne de Yannick est hospitalisée gravement blessée. Elle est sortie du coma malgré un grave traumatisme crânien, mais elle souffre d'amnésie et devrait garder des séquelles cérébrales. Alors les faits remontent au 25 août. Yannick Lardy a décidé de porter plainte. Il estime que le semi-rigide appartient à des moniteurs de sport de glisse et devait aller à au moins 30 nœuds dans une zone limitée à 5. Il leur reproche d'avoir mis du temps à leur porter secours et de ne pas s'être manifesté en 10 jours. Une enquête est en cours auprès de la gendarmerie maritime. Dans le reste de l'actualité, c'était l'heure du grand oral pour François Hollande. Le chef de l'État a prononcé un discours très attendu lors du colloque « La démocratie face au terrorisme, salle Vagrant » à Paris. C'est après les attentats de Nice que les stratèges de l'Élysée ont eu l'idée de ce discours, car le terrorisme est un sujet, selon eux, qui va structurer la campagne à venir. Alors, en présence d'une bonne partie du gouvernement, le locataire de l'Élysée a débuté son discours par une ode à la démocratie. « Malgré la peur, dit-il, malgré la souffrance, nous vaincrons. La démocratie sera toujours plus forte que la barbarie qui lui a déclaré la guerre au terme de la lutte. La démocratie triomphera. » Fin de citation. Et puis au Gabon, l'opposant Jean Ping a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle pour contester des résultats de l'élection présidentielle du 27 août remportée par le président sortant Ali Bongo. Il vise des résultats de la province du Haut-Ougoué, fief familial des Bongo, qui a permis, selon les résultats officiels, la victoire sur le fil du président sortant. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. The ghost of you, it keeps me awake. My friends, how'd you figure it out? Yeah, the soul what's inside of you. You try hiding another you, but your evil was coming through. These eyes sitting on the wall, well, they watch every move I make. My life living in the shade, your cold heart makes the spirit shake. Ooh. I had to go through hell to prove la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 m² de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 0404. C'était David Bowie à l'instant avec Blue Jean. De quoi peut-on vous parler? Ah, peut-être du futsal, le 5 contre 5 avec l'ouverture le 10 septembre. Mais c'est demain, ça, dis donc. Et en ce moment, donc, 30 minutes de partie offerte jusqu'à ce soir. Le soccer, c'est aussi la possibilité de gagner un superbe voyage. Envoyez soccer, S-O-C-C-E-R, au 41 et à vous le voyage pour l'IFU pour deux personnes. Avec deux nuits au Tamanu Beach. Allez les gâtés, on retrouve maintenant l'horoscope. Hein. Tous les jours, découvrez signe par signe ce que vous réservent les astres pour votre avenir avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Belleville. Bonjour à tous, excellent vendredi 9 septembre. L'horoscope des béliers, des tensions sont à craindre et vous pouvez éprouver de la jalousie vis-à-vis de la situation professionnelle de votre moitié. Taureau, des moments de tendresse sont sincères et la famille vous chouchoute. Gémeaux, les astres jouent avec votre partenaire et la vie affective n'amène pas la satisfaction que vous espérez. Cancer, c'est vendredi, vous ne vous faites pas prier pour passer un bon moment entre amis. Lion, votre conjoint peut vous reprocher de chercher à vous faire remarquer, ce qui a des chances de vous vexer. Vierge, c'est en revanche une belle journée pour les amoureux. Votre relation revêtira les couleurs de la passion. Balance, vous devez réfléchir à plusieurs fois avant de foncer tête baissée dans un nouveau projet. Scorpion, la vie amicale est précieuse et avec vos proches, vous serez par Mons et par Vaux ce week-end. Sagittaire, l'espoir de vivre le grand amour occupe vos pensées. Capricorne, vous serez un redoutable adversaire en affaires, vous négocierez comme un chef. Verseau, votre décision est radicale, vous ne chercherez pas des rencontres, vous vous refermerez dans votre coquille. Les poissons, c'est le branle-bas de combat, vous décidez d'avoir une discussion très sérieuse avec vos proches. Excellente journée à tous. L'horoscope avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Belleville. Je serai toujours là. Tu fais trop le tour de toi. Tu auras ta chance.

avec un Coca-Cola bien frais. Savoure chaque journée. Vibre au rythme de l'amitié. Profite de ta vie. Ajoute un peu de folie. Savoure chaque moment. Savoure l'instant. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie 93.5. Il est 7h, bonne fête à Alain et à Omer. Question week-end, eh bien on aura du beau temps. En général, souvent du vent, 20 à 25 nœuds. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Du nouveau dans l'enquête sur la disparition des deux pêcheurs. Et puis François Hollande a fait un discours très attendu. Enfin au Gabon, Jean Ping conteste les résultats de la présidentielle. Nous sommes le 9 septembre. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Dans l'actualité locale, c'est une vidéo des deux pêcheurs disparus qui a été retrouvée. 13 jours après, l'enquête sur la disparition de Sébastien Arias et Julien Pacta est relancée après la découverte des derniers indices. Un haut de combinaison appartenant à Julien a été retrouvé mercredi dans la baie Tim, bien vers 17h. Une caméra GoPro accrochée à la combi a également été récupérée. La famille des deux pêcheurs a pu visionner les images. Il apparaît ainsi que le bateau aurait sombré le samedi aux environs de 13h. Selon la page Facebook, retrouvons Sébastien et Julien officiels. Ils ont eu le temps de s'équiper de gilets de sauvetage, d'une veste rouge pour Sébastien et du haut d'une combi pour Julien. Une vidéo prise le lendemain vers 7h30 laisse supposer que les garçons dérivent ensemble sur un objet flottant bleu, leur glacière vraisemblablement. Alors un appel à Adèle a de nouveau été lancé par les compagnes des deux pêcheurs pour survoler la zone et ainsi qu'aux bateaux qui doivent sortir vers les îlots avoisinants. Aujourd'hui, leur recherche devrait même les mener jusqu'au Vanuatu. Dans un communiqué, le procureur Alexis Bourros confirme la découverte de la combinaison à moitié ensablée et de la GoPro sur une plage de Timbia par un habitant. L'exploitation de cette caméra permet de confirmer l'hypothèse d'un naufrage. Aucun élément du décor ne permet toutefois un positionnement du navire. L'enquête diligentée par la gendarmerie maritime dit-il, se poursuit. Un couple fauché par un bateau. Alors qu'ils se déplaçaient sur une annexe baie de l'orphelinat, un couple s'est fait percuter par un semi-rigide. Depuis, la compagne de Yannick est hospitalisée, gravement blessée. Elle est sortie du coma malgré un grave traumatisme crânien, mais voilà, elle souffre d'amnésie et devrait garder des séquelles cérébrales. Les faits remontent au 25 août. Yannick a donc décidé de porter plainte. Il estime que le semi-rigide appartenant à des moniteurs de sport de glisse devait aller au moins 30 nœuds dans une zone limitée à 5. Il leur reproche d'avoir mis du temps à leur porter secours et de ne pas s'être manifesté en 10 jours. Une enquête est en cours auprès de la gendarmerie maritime. Condamnation de deux voleurs de bétail. Le tribunal correctionnel les a condamnés à 4 mois de prison et 950 000 francs d'amende. Ils avaient été pris sur le fait à Thio le 30 décembre 2014 par l'éleveur qui avait immédiatement porté plainte. L'arme de calibre 12 des voleurs a également été saisie. Face à la délinquance, la mairie de Païta monte au créneau. Et suite aux dernières effractions commises à Tontouta, la ville a donc décidé de prendre deux nouvelles mesures. La première, un numéro rouge, à destination des habitants, gratuit. Il fonctionne comme un numéro vert, un numéro qui n'est destiné qu'aux appels d'urgence, mais plutôt à récolter des informations. Seconde mesure, un site internet Info Rouge qui sera mis en ligne la semaine prochaine pour enregistrer l'ensemble des faits. Et la vie sous-marine est à l'honneur au Rex cette semaine. Et pour la 7e édition, Sublimage organise son festival d'images sous-marines au Rex de Nouméa. Le public était au rendez-vous pour la soirée d'inauguration mercredi. Les projections de documentaires et des rediffusions du Festival mondial de l'image sous-marine de Marseille s'enchaîneront jusqu'à ce dimanche, date de clôture du festival. Je vous propose d'écouter Sylvain Charrière, président de l'association Sublimage. L'objectif de l'association Sublimage, c'est d'abord la promotion de l'image sous-marine. Ensuite, on a un deuxième objectif qui est l'émergence de nouveaux talents. Donc, essayer de faire connaître l'image calédonienne au reste de la planète. L'idée, c'est quand même de montrer un peu les beautés calédoniennes un peu aux autres pays. La mer représente 2/3 de la planète Terre. De vouloir remonter des image de cet espace énorme, immense, qu'est l'océan, c'est assez naturel. La deuxième raison, c'est qu'une plongée, ça dure souvent une heure, et quand on remonte, bah ensuite, ça y est, on a tout en mémoire. Donc, arriver à remonter quelques images du fond de l'eau, c'est prolonger cette expérience, en fait, assez géniale d'une immersion dans le monde sous-marin. On est quand même sur un milieu, surtout en Calédonie, qui est extrêmement riche, et on a vraiment des choses extraordinaires au fond. C'est vrai que c'est pas accessible à tout le monde, il faut savoir plonger, et aujourd'hui, remonter des images du fond pour les montrer aux gens qui n'ont pas cette chance de pouvoir plonger, voilà, c'est comme on est tous ravis de voir des images de la Lune, et personne d'entre nous n'ira sur la Lune, et ça fait partie un petit peu de l'imaginaire. Le festival propose également une exposition, des clips vidéo et des débats pour aborder le monde sous-marin sous divers angles. Toutes les informations ainsi que le programme sont sur le site de l'association www.festivalimagesousmarines.nc ou sur la page Facebook. Et dans le reste de l'actualité, bien c'était l'heure du grand oral pour François Hollande. Le chef de l'État a prononcé un discours très attendu lors du colloque La démocratie face au terrorisme à Paris. C'est après les attentats de Nice que les stratèges de l'Élysée ont eu l'idée de ce discours, car selon eux, le terrorisme est le sujet qui va structurer la campagne à venir. En présence d'une bonne partie du gouvernement, le locataire de l'Élysée a donc débuté son discours par une ode à la démocratie. Malgré la peur, malgré la souffrance, nous vaincrons, a-t-il déclaré. La démocratie sera toujours plus forte que la barbarie qui lui a déclaré la guerre. Au terme de la lutte, la démocratie triomphera. Point. Fin de citation. Environ 110 personnes sont bloquées dans des télécabines au-dessus des glaciers du Mont Blanc à plus de 3000 mètres d'altitude. Et les cabines se situent sur le téléphérique qui relie l'aiguille du pic du Midi à la pointe Elbrunner. Un croisement de câbles se serait produit vers 16h pour des raisons inexpliquées et les employés de la compagnie du Mont Blanc ne sont pas parvenus à réparer l'incident. Du coup, une opération d'héliportage avec la participation de 3 hélicoptères suisses, français et italiens a été décidée, mais cela va durer un certain temps, mais la météo est bonne. Apparemment, ils sont en relation, les secours, avec les clients. Ils ont de l'eau et des moyens de communication, mais quand même commencent à trouver le temps long. Au Gabon, Jean Ping saisit la Cour constitutionnelle. L'opposant a déposé un recours, en effet, devant la Cour constitutionnelle pour contester les résultats de l'élection présidentielle du 27 août, remportée par le président Santé. Ali Bongo, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, c'est vendredi. Ils ont mis un téléphone rouge-vert à la Cour constitutionnelle. J'arrive pas à parler ce matin. C'est pas grave. Il y a trop de couleurs. Voilà. Bon, allez, on passe à l'info insolite. Désolé. Et en plus, c'est pas sympa, on va se moquer pendant la solide, c'est pas sympa. Ah, c'est pas notre genre. Non, pas du tout. Un jeune homme a déclaré son amour dans un centre commercial bondé en Chine, mais voilà, il a pas eu la réponse escomptée. Pourtant, il a mis les petits plats dans l'écran. Il avait déposé plus de 900 pomelos, tu vois. C'est qualité. Elle a craqué, madame, monsieur, on a perdu Delphine. Oh bon, t'imagines, il a fait un cœur avec des pamplemousses. Ouais. Il a pris le micro et. Il lui a dit qu'elle Elle a pris le micro, elle lui a dit. Non, c'est horrible. Il lui a dit quoi? Bah, il lui a dit que je t'aime depuis longtemps. Elle lui a dit, ben non, pour moi, t'es juste un ami. Elle lui dit, par contre, je veux bien garder les pomelos. Bon, bah voilà. Elle a gardé les pamplemousses. Comme quoi, alors elle a demandé. Il est vite parti, bien sûr, et t'as les clients. Elle a proposé aux clients de son commercial de se servir. Comme quoi, le malheur des uns fait le bonheur des autres. En général, tu me disais avant le journal, l'info insolite, en général, ça dépend de la répartie de l'animateur. Mais là, je crois que t'as fait le succès de l'info insolite à toi toute seule. Je suis désolée, je pleure. Bravo. Elle pourra toujours lui téléphoner de la constitutionnelle. Alors. Au cœur ce matin, je dis. Pas de soucis. Merci, Delphine. Oui, c'est ça. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. If I'm still around to love, what if I'm still looking for that love, the love that heats my blood? I can see right through you when there's nothing on the other side. I fight with these thoughts every night. If I'm a good lover after the C'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Païta et Point Bout. Pour le rendez-vous gag de 8h-20, j'avais prévu Coluche, mais je crois que je vais voir diffuser l'info insolite de Delphine. Ça valait le coup. Si vous l'avez raté, on va peut-être le faire à 7h, enfin même un peu plus tôt, dis donc. Dans l'actualité, qu'est-ce qu'on en a? Bah oui, ça se passe pas bien en Afrique, les élections présidentielles au Gabon, entre Ali Bongo et Jean Ping. Jean Ping qui attaque la Cour constitutionnelle. En fait, entre Bongo et Ping, ils se renvoient la balle. Ouais, c'est une sorte de ping-pong, quoi, du coup. Énergie, 7h12. Ah oui, pour placer le jeu de mots ping-pong, fallait aller la chercher loin, celle-là. Alors, que va-t-il se passer? Ben, le meilleur de la ZIC revient dans un instant. Ce sera avec Kelly Clarkson, mais si vous connaissez. Ça bouge bien. Pendant ce temps-là, on est toujours en train de réanimer Delphine. Remise de son fou rire, pas encore complètement. Énergie, Nouvelle-Calédonie. 93.5. Coco. TV. Attention, ceci est un message de votre magazine Coco TV. Aujourd'hui vendredi, retrouvez avec les nouvelles calédoniennes votre magazine télé préféré Coco TV. Au programme, zoom sur l'actualité du caillou avec l'humour de Sam et Maïté sur NCTV. L'actu people sur les 10 ans de Secret Story. Également, retour en Calédonie il y a 40 ans avec votre rubrique Mémoire d'ici. Alors n'oubliez pas, Coco TV c'est aujourd'hui vendredi avec les nouvelles calédoniennes. Une adresse pour vous meubler? Meubles Import. Des meubles originaux, de tout style, à tous les prix. Livraison, facilité de paiement, grand parking. Meubles Import, face à la gendarmerie de Normandie, 43 68 82. L'apprentissage est, voilà le messager, voilà l'apprentissage est. Ouverture des inscriptions en août. CAP, BAC, BTS et Bachelor. L'alternance, un diplôme, un salaire. Inscription au point apprentissage. Plus d'infos sur le www.apprentissage.nc. L'apprentissage est, voilà le messager. Les Bois du Pacifique. Tout l'univers du bois et notre expertise à votre service. 26 20 62. Découvrez toutes les nouveautés des Bois du Pacifique sur Facebook. Tu ne sais pas où déjeuner à midi? Rendez-vous à la Barca Baie des Citrons. Tous les midis, c'est suggestions à la carte et moule frites toute l'année. Sans oublier les fameux tapas. La Barca, ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 3h du matin. La Barca, votre brasserie branchée de la BD. Retrouvez-nous sur Facebook. J'essaie d'organiser un week-end en famille, mais quelle galère pour tout réserver. Va sur le nouveau site reza.nc. Tu pourras réserver hôtel, gîte, restaurant, sortie en mer, karting, rando à cheval et plein d'autres activités en un clic. Avec reza.nc, tu sauras ce qui est disponible pour tes dates et tu obtiendras des promos exceptionnels partout sur le caillou. Super! C'est quoi le nom du site? www.reza.nc. R-E-S-A. Reza.nc. Cliquez, réservez, économisez. T'es passionné de foot ou de futsal? Ça y est, le complexe du soccer NC ouvre ses portes le 10 septembre en partenariat avec Énergie. À cette occasion, le soccer NC t'offre un voyage pour l'IFU pour deux personnes avec deux nuits au Tamanu Beach à la tribu de Mou. Deux petits déjeuners, le transfert aller-retour d'une valeur de 73 050 francs. Alors tente ta chance, envoie soccer au 41 et gagne un voyage pour l'IFU pour deux personnes. Tirage au sort du gagnant vendredi 9 septembre à 14h. Envoie soccer au 41. 368 francs le SMS. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. Énergie. Sport News. Sport News, l'actualité sportive, c'est Sport News avec les pneus Pirelli, la puissance maîtrisée. À 8h et 11h, du lundi au vendredi, retrouve les principaux résultats de l'actu local, national, international et le programme des rendez-vous sportifs à ne pas manquer. Si tu aimes le sport, écoute Sport News avec les pneus Pirelli chez SGIA Pneus Montagne Coupé. Sport News, c'est sur Énergie. Énergie Nouvelle-Calédonie. Music Station. Nous, c'est Énergie Non-Stop. Energy, it's music only. This is my heartbeat song and I'm gonna play it. Been so long, I forgot how to turn it up. Up, up, up all night long. Oh, up, up all night long. You, where the hell did you come? Matériau Center, réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. Mais oui, allez, c'est vendredi, on se lâche. Et si on écoutait l'info insolite? Ah oui, j'aime bien. Fourrière à la clé. Couleur.

Tous les matins de la semaine sur Énergie, un éminent savant répond à toutes les questions existentielles les plus farfelues. La minute du professeur Van der Kroot. Avec Cuisine Plus, chez Socapor Plexus Ducos, créez la cuisine qui vous ressemble. Fabrication 100% européenne, solidité et finition haut de gamme. La minute du professeur Van der Kroot, c'est rigolo, mais rien n'est faux. Avec Cuisine Plus, conseil et recherche du meilleur rapport qualité-prix. Cuisine Plus, au Plexus, chez Socapor, donnez un sens à votre décor. Le bulletin météo d'énergie avec la nouvelle Subaru XV. Décidez de la voie à suivre, vivez votre aventure. Le point avec Météo France et avec l'évacuation des nuages élevés, le temps est bien ensoleillé sur l'ouest ce matin. Ailleurs, les nuages remontent sur le sud-ouest et les loyautés peuvent donner quelques ondées sur l'île des Pins et Ouvéa. Dans l'après-midi, des paquets nuageux aborderont le sud des marées en déposant des averses. Ailleurs, le soleil garde l'avantage malgré quelques débordements nuageux près de la chaîne. Attention, il y a du vent, la lisée de sud-est se renforce autour de 20 nœuds avec des rafales à 30 nœuds et localement 20 à 25 nœuds et des rafales à 30-35 nœuds sur le nord-ouest. Du côté des températures, pas d'évolution. On est toujours dans la fourchette de 24 à 28 degrés du sud au nord. Alors le week-end, globalement, ce sera beau. Grand soleil samedi, hormis quelques plaques de nuages bas sur le sud le matin. La lisée de sud-est reste soutenue avec 15 à 20 nœuds en général le matin, puis des 20 nœuds et rafales à 30 nœuds l'après-midi. Dimanche, ce sera aussi une journée ensoleillée dans l'ensemble. Sur le sud et au Loyauté, quelques nuages circulent toutefois et peuvent donner de petites averses. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens. Avec la nouvelle Subaru XV, l'aventure commence sur www.subaru.nc.

nôtre, à la place d'un autre, voir le jour sous une autre lumière, vivre plusieurs vies, vivre plusieurs vies, à l'intérieur d'une salle, comme les poupées russes, maintes fois ressuscitées. Serais-je le même enfant, serais-je devenu le même homme? Est-on fidèle à soi-même, quelle que soit la donne? Et si l'environnement agit sur la personne, que serais-je devenu pire ou meilleur en somme? Si j'avais été grand, aurais-je crié plus fort? Dans la peau d'un soldat, aurais-je donné la mort? Si j'avais été peintre, aurais-je peint ce décor? Je serais magicien, je nous mettrais d'accord. Dans une vie antérieure, côtoyer le bonheur ou finir au placard. Tout est possible, hey, puisque tout se joue dans ma tête, oh, et qu'elle est libre de penser, d'écrire et d'effacer. Et si je vais trop loin, non, ne m'en voulez pas. Qui n'a jamais rêvé de vivre plusieurs fois? Juste une chanson, non pas un acte de foi, hey. Mais il est bon, n'est-ce pas, de délivrer quelquefois. La tagay di nit ki man na don kenen ko ma beugé ni sa bop kon ko man ni sa bop kon ki do du am fe ko du am te ku len ni jangé jangé jangé de ni jangé do no ni jangé de do mo ya ñu ngi reyante ko ne di jayante dole amatol yara man de ni gona na jage wante legi ñoy dagalante te man ne waruna de bonne kon président est-ce que dina changé dama ne bonne kon soldat est-ce que do don danger ku nek ak gile yalla te ku nek ak finga fe décalé ni ouais toi c'est une place n'a rien comme nous m'aider. Si j'étais né à la place d'un autre, voir le jour sous une autre lumière, vivre plusieurs vies à l'intérieur d'une salle, comme les poupées russes maintes fois ressuscitées. Rendez-vous tous les matins de la semaine pour commencer la journée avec la banane. Le gag d'énergie proposé par le restaurant La Terrasse du Hilton. Venez découvrir notre nouveau concept, les Buddha Bowls, tous les midis du lundi au samedi. Les grands classiques de l'humour du vendredi. Coluche, les discours en disent long. Française, français, cette année c'était très bien, l'année prochaine ça sera pire. Et oui, mesdames, messieurs, le pays va mieux que l'année prochaine. Nous envisageons un redressement dans 5 ans. En effet, dans 5 ans, nous serons considérés comme un pays sous-développé auquel viendront en aide les pays industrialisés. Vous ne dites rien, tant mieux. De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Et rappelez-vous que si la Gestapo avait les moyens de vous faire parler, les politiciens d'aujourd'hui ont les moyens de vous faire taire. J'entends de droite et de gauche dire « La droite est nulle, la gauche est nulle, je vote nul. » Éloignez-vous du fatalisme. Réagissez, sachez prendre votre chance. Rappelez-vous que quand il pleut des roubles, les malchanceux n'ont pas de sac. Et pour ça, la France doit se redresser, elle compte sur vous. Il faut acheter français. C'est très facile, comment reconnaître un produit français, c'est le plus cher. Je voudrais rassurer les peuples qui meurent de la famine dans le monde. Ici, on mange pour vous. Et qu'ils prennent patience, les pauvres sont indispensables. La preuve, les Américains en ont. C'est quand même pas par snobisme. Les pauvres sont indispensables à l'équilibre du monde. Donc, nous remercions les pauvres de l'être pour les pauvres hippipip. Le Sahel hippipip. L'Éthiopie hippipip. Et les populations s'agitent. Et je te fais des affiches. Un rencard, sinon rien. Mon candidat s'éternue. Mon candidat s'éternue. À vos souhaits. Et Raymond Barre avec ses 45% de matière grasse. Chirac avec sa carrière. Et Giscard, quand il est pas là, il nous manque. Faut dire que quand il est là, il nous manque aussi. De tout, mais il nous manque. Après tout, peut-être que les chômeurs votent pour qu'on les prenne pour des travailleurs. PC, c'est le parti des travailleurs. C'est là où il y a les vieux fossiles, dont certains sont complètement marteaux. Quand je vois un mec qui a pas de quoi bouffer et qui va voter, ça me fait penser à un crocodile qui se présente dans une maroquinerie. Si jamais les hommes politiques ils se mettaient à tenir les promesses qu'ils font, il leur faudra le budget des États-Unis. Ils font un plan de 15 ans de développement de ceci, qu'ils abandonnent au bout de 5, qui est repris au bout de 10. Oh là là. Et tout ça, c'est avec notre pognon. Le mois de l'année où le politicien dit le moins de conneries, c'est le mois de février parce qu'il n'y a que 28 jours. Et vous savez qui y a pire ? Les hommes politiques, je vais vous faire un aveu, ne sont pas bêtes. Vous vous rendez compte de la gravité ? Ils sont intelligents. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font, le font exprès. Ils y réfléchissent, ils y pensent. Parce que vous comprenez, si c'était des cons, ça irait tout seul. On dirait, bon, bah, c'est des cons. Non. Les présidents et les dirigeants des pays qui ont laissé crever l'Afrique, l'Amérique du Sud et bientôt les Indes, c'est des gens qui le font exprès. Et vous savez qu'il y a pire. Les journalistes ne croient pas les mensonges des hommes politiques. Mais ils les répètent. C'est pire. Ça confirme. Ils ont beau faire ceux qui croient pas ce qu'ils disent, ils le répètent tous les jours à la télé, dans les journaux. Vous savez que les hommes politiques et les journalistes ne sont pas à vendre. Hein. D'ailleurs, on n'a pas dit combien. Oui, je sais, j'ai tendance à ouvrir ma gueule un peu trop fort. Mais ça tient à ce que jusqu'à 20 ans, j'ai cru que je m'appelais Silence. Et les meilleurs humoristes, c'est le gag d'énergie avec le restaurant La Terrasse d'Hilton. Découvrez notre formule Buddha Bowls. We get pulled up way before the party. Turned up hotel lobby. Fast life like a Ducati. Spending money like I'm from Saudi. Bagging bitches with the bad bodies. See me cooling with the black Barbies. I got brain cause she a smarty. And now I'm feeling like la-di-da-di. Hey. Wait a second, wait a minute, I don't think you're ready for it. Hey. Party like a pro, baby, I don't gotta train for it. Whoa. Drinking all the liquor and I ain't even paying for it. Whoa. Any second, any minute, we about to send a course. The girls wanna play with boys and the boys wanna play with girls. Girls wanna play with girls, boys wanna play with boys. Oh boy, don't you love this girl? The girls wanna play with boys, and the boys wanna play with girls. And the girls wanna play with girls, boys wanna play with boys. Oh boy, don't you love this world? Stop and we don't quit. In a club like we the shoe. Two more, legit. Up in this bitch and we so lit. Oh my God, oh my goodness. Feel good cause I'm sipping on good shit. Two drinks, got two fists. Three chicks, got two, four, six cheers. Hey. Wait a second, wait a minute. Take it to the next level. Hey. Turn up the bass. Turn up the track treble. We about to get in trouble. The girls wanna play with boys and the boys wanna play with girls. And the girls wanna play with girls, boys wanna play with boys. Oh boy, don't you love this girl? The girls wanna play with boys and the boys wanna play with girls. And the girls wanna play with girls, boys wanna play with boys. Oh boy, don't you love this world?

sur Vanderkraut, c'est rigolo, mais rien n'est faux. Avec Cuisine Plus, conseil et recherche du meilleur rapport qualité-prix. Cuisine Plus, au Plexus, chez Socaport, donnez un sens à votre décor. Les questions existentielles du professeur Vanderkraut. Pourquoi les autoroutes de France sont-elles payantes ? Oh, voilà un sujet qui fâche. 22,90€, monsieur. Quoi ? Et pour l'électricité. Pour lever la barrière. 22,90€. Et le s'il vous plaît, alors ? C'est 2€ de plus. Et inutile de négocier les prix, ça ne marche pas. Bon, allez, on dit 15€ et on en reste là, d'accord ? Sécurité, j'ai besoin de vous, caisse numéro 5. La première autoroute de France voit le jour en 1946 entre Saint-Cloud et Orgeval en banlieue parisienne. Longue de 20 km, elle est déclarée... d'utilité publique. Mais la France traîne la patte. En 1961, 15 ans plus tard, il n'y a que 100 km d'autoroute dans le pays. La décision de les rendre payantes est alors prise et déclarée... de nécessité financière. La portion Nice-Fréjus est la première payante du pays. L'argent sert alors à développer le réseau et le système est alors déclaré... temporaire. Bah on doit pas avoir la même notion de temporalité. 55 ans plus tard, les autoroutes c'est toujours comme le piment, ça pique à la sortie. Si les autoroutes sont pour la plupart amorties, il n'en reste pas moins qu'il faut les entretenir, acheter les croquettes du bison futé et payer les agents. Eh bien c'est avec votre argent qu'on s'en charge. Alors, il va me le faire ce sourire. Oubliez. Et sachez que l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, la Hollande, la Suède, le Danemark et la Finlande ont opté pour des autoroutes gratuites. Attention, nid de poule, forcément c'est pas la même prestation. Vous saurez tout dans la minute du professeur Vanderkraut. Avec Cuisine Plus, chez Socaport Plexus Ducos, créez la cuisine qui vous ressemble. Fabrication 100% européenne, solidité et finition haut de gamme. Je ne sais plus vraiment qui je suis. J'ai croisé sur la route un avant-goût de paradis. Mais je vois tomber des gouttes même sous mon parapluie. They break me out. Je ne sais plus vraiment qui tu es. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie 93.5. Il est 8h dans la radio, on se prépare à un beau week-end, soleil et vent. Et en ce qui concerne les fêtes, c'est Alain et Omer. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Il est 8h, c'est sûr, on confirme, si ce n'a été dit, le voilà qui est fait. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour à tout le monde. 13 jours après l'enquête sur la disparition de Sébastien Arias et Julien Pacta est relancée après la découverte d'une vidéo qui montre les deux hommes dérivés sur ce qui semble être une glacière. Alors qu'ils se déplaçaient sur une annexe baie de l'orphelinat, un couple s'est fait percuter par un semi-rigide. Depuis, la compagne de Yannick est hospitalisée, gravement blessée. L'homme a donc décidé de porter plainte. Le tribunal correctionnel a condamné deux voleurs de bétail à 4 mois de prison et 950 000 francs d'amende. Face à la délinquance, la mairie de Païta monte au créneau et met en place un numéro rouge et un site internet pour récolter des informations. La vie sous-marine est à l'honneur. Au REC, cette semaine, les projections de documentaires et des rediffusions du Festival mondial de l'image sous-marine de Marseille s'enchaînent. Ça sera jusqu'à dimanche, date de clôture du festival. C'était l'heure du grand oral pour François Hollande. Le chef de l'État a donc prononcé un discours très attendu lors du colloque « La démocratie face au terrorisme à Paris ». Environ 110 personnes sont toujours bloquées dans des télécabines au-dessus des glaciers du Mont Blanc à plus de 3000 mètres d'altitude. Une opération en déliportage est en cours. Attention, cela risque de durer plusieurs heures. Enfin, au Gabon, Jean Ping saisit la Cour constitutionnelle. Il conteste les résultats de l'élection présidentielle du 27 août remportée par le président sortant, Ali Bongo. Sport News, l'actualité sportive, c'est Sport News avec les pneus Yokohama, l'art de la performance. Vous êtes en train de chercher la prononciation d'un nageur. On y viendra tout à l'heure, puisqu'on débute par l'US Open. Et à la faveur de leur nette victoire face à Martina Hingis et Coco Vandeghe, en deux manches, les Françaises, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic, sont donc qualifiées pour les demi-finales. La paire des hommes, Mahut et Herbert, tente d'imiter les Françaises. Ils s'affrontent en ce moment Murray et Suarez. En natation, l'Oct, le P l'addition pour son coup de folie de Rio. Faut qu'on vous explique, Jimmy, ouais. C'est pas le prononcer. Il a demandé à Karen, elle lui a dit tu te débrouilles. Et je lui ai dit c'est pareil. Une loche. C'est l'Oct, ouais. Non, c'est pas une loche. Ryan L'Oct, c'est difficile à Ryan prononcer, L'Oct, ouais. Déjà lâché par la plupart de ses sponsors, tu sais, depuis son coup de folie de Rio. Eh bien, Ryan n'a pas ménagé jeudi les instances, n'a pas été ménagé par les instances sportives américaines qui lui ont infligé des sanctions lourdes, dont une suspension de compétition de 10 mois. Alors, il faudra attendre au mieux le 30 juin 2017 pour revoir en compétition L'Oct, l'un des plus beaux palmarès de la natation américaine. On rappelle, il s'est empêtré dans une rocambolesque affaire d'agression inventée durant les Jeux de Rio. Tant qu'il n'a pas fait pipi du haut du plongeoir, ça va. La vidéo arrive en Ligue 1. Ah oui, c'est pour très bientôt. Le comité exécutif de la Fédération Française de Foot a donc annoncé que cette technologie serait utilisée à partir du mois de mars 2017 sur quelques matchs de Ligue 1. Alors, entre novembre prochain et cette échéance-là, les officiels se testeront d'abord sans que l'arbitre principal puisse officiellement s'appuyer sur la vidéo qui, rappelons-le, peut être utilisée en cas de but, pénalty, carton rouge ou mauvaise identification de joueur. Et puis, le fils de Messi signe déjà au Barça. Tu sais quel âge il a ? Ben, 3 ans et demi. C'est pas moi le père. Hein. J'ai 2 ans et je tape dans le ballon. Quel âge il a ? 3 ans et demi. Le Barça prend déjà soin de son ADN. À 3 ans et demi, Thiago Messi intéresse déjà le club catalan auquel son père a apporté une multitude de trophées. Le quintuple Ballon d'Or a donc annoncé que son fils allait intégrer une classe d'initiation au foot dédiée aux enfants du personnel, joueurs et responsables techniques qui les prépare en fait à d'éventuels futurs cracks âgés de 6 à 18 ans. Plutôt courageux quand même. La protection de l'enfant, ça arrivé. Oui, oui, c'est fini. Oui, c'est bon, tu peux appuyer sur le bouton. Si tu aimes le sport, écoute Sport News avec les pneus Yokohama chez SGIA Pneus Montagne Coupée. Sport News, c'est sur Énergie. Dans le caféine, c'est Karen qui prend les commandes. Avec FitZone, découvrez le Love Studio HIIT. Explosivité, minceur et résultats garantis. Plus d'infos sur Facebook. Ah, j'adore Shaft. C'est bien le vendredi. Tout est permis, il a dit JB. On va jouer au bidule aujourd'hui pour vous faire plaisir dans caféine. D'ici peut-être, je sais pas, tu pars quand toi? Oh, quand tu veux. Ok, d'accord. Ouais. Bah, alors on jouera quand je veux. Vers moins 20, c'est bon. Vers moins 20. Allez, avec Casino Johnston, le bidule se monte à 55 000 francs. Il a toujours pas été trouvé. Peut-être que vous allez y arriver ce matin, ce vendredi 9 septembre. Vous allez sur Énergie, le site, pour voir les propositions qui ont déjà été faites. Et puis vous nous appelez tout à l'heure avec 36 67 67 et vos petits doigts. Et avec JB, on va tâcher de vous répondre et de se rappeler c'est quoi déjà le bidule. Ah, tu fais tu bien. Peux refaire, s'il te plaît. Oh, c'est bon. Il y a un problème de moteur, ton tracteur. Ouais, ouais, ouais. C'est un semi... Quoi? C'est un bateau semi-dur. Oui, non, voilà. Voilà, c'est ça. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, Delphine. Semi-rigide, j'ai pas compris. Ah, semi-rigide. C'est à peu près pareil. Tu déformes tout, Karen. Ouais, ça arrive toujours. On va écouter Zao, les stéréophoniques ce matin. On va démarrer avec The Blind Sons, le titre Rockefeller. Et dans Music News, on parlera du nouveau single de Maître Gims qui lui reste dans mon cœur parce que je l'adore. Et Christophe Maé que j'aime un peu moins. Mais chacun ses goûts. Tu plaisantes. Arrêtez, oh, on peut rigoler. On est vendredi, on a dit. Allez, il est, je ne sais plus, 8h06, c'est parti.